Que Dieu vous bénisse richement. Mungu amibariki sana. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tusimame juu ya usomi wa neno la Mungu. Accent témoignage Mungu. Merci le Seigneur Dieu. Parce que tu nous as encore accordé la journée pour venir ici écouter ta parole. Depuis que nous nous sommes séparés depuis hier, chaque frère et chaque sœur était vaqué à ses occupations. Mais par ta grâce, tu nous as gardés. Tu nous as épargné des divers dangers. C'est pourquoi ce soir nous nous retrouvons ici. Seigneur, aide-nous. Parce que nous avons besoin d'être conduits par ton esprit en toutes choses. Les paroles que nous entendons, ce n'est pas facile. Mais nous demandons que le Saint-Esprit puisse les interpréter dans nos cœurs, afin de pouvoir nous éveiller, que nous puissions veiller sur notre vie, comme nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Sanctifie-nous, Seigneur, nos pensées, notre esprit, notre âme, ainsi que tout notre corps, Seigneur. Nous voulons être de véritables chrétiens. Mais on ne peut pas être de véritables chrétiens sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi remplis chaque frère et chaque sœur de ton esprit. En ce moment-là, nous allons rendre un culte agréable. Merci le Seigneur. Guéris les malades parmi nous. S'il y a des familles qui ont des problèmes, puisses-tu leur accorder la solution. Les frères qui cherchent de l'emploi, puisses-tu leur accorder l'emploi. Les frères et des sœurs qui ont cultivé les champs, bénis les champs. Toutes les activités des frères, puisses-tu les accorder, afin qu'ils se réjouissent en toi. Accent, Seigneur. Merci Seigneur. Soyez avec nous ce soir. Du début jusqu'à la fin de ce culte, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amina. Apocalypse 13. Ufunuo sura 13. Verset 1. Mustari ya kwanza, kufika na kuyapili. Apocalypse 13. Ufunuo sura 13. Versets 1 à 2. Mustari ya kwanza kufika na kuyapili. Apocalypse 17. Tutasoma pia Ufunuo sura 17. Dans son verset 12. Mustari ya 12. Et dans son verset 15. Na mustari ya 15 kufika na 18. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 10 têtes. Kisha nikaona toka bahari nyama moja ule alikuwa na mapembe 10 na vichwa 7. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Na kuma pembe yake kulikuwa malulu 10. Et sur ses têtes les noms des blasphèmes. Na kubichwa yake kulikuwa majina ya makufuru. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Joka alimpatia uwezo wake na kiti ya enzi yake na mamlaka mkubwa. Apocalypse 17. Ufunuo sura 17. Verset 12. Mstari wa 12. Les 10 cornes que tu as vues sont du roi. Ai mapembe 10 uliona beko ni bafalme 10 qui n'ont pas encore reçu des royaumes. Bale abayapata ufalme. Mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Alakini beko napokea uwezo sawa wafalme Musa muzima pamoja na nyama. Et il me dit les eaux que tu as vues, sur laquelle la prostituée est assise, ce sont des peuples. Akaniambia kwamba maji ile uliona pale paneka huyu mkaba. Des foules. Wenye kuikala ni watu ya watu wenye kuikala. Des nations. Mataifa. Et des langues. Na maruga. Verset 18. Kuminamunane. Et la femme que tu as vue, c'est une grande ville. Ule mwanamuke uliona ni muji mkubwa mnene. Qui a la royauté sur le roi de la terre. Mwenye kwa na bufalme yulu ya bafalme bapadunia. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la vie de sa parole. Bwana Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Avant que Dieu ne vienne rétablir son royaume et mettre l'ordre sur la terre, bele ya Mungu kuya kuweka ufalme yake padunia na usawa padunia, qu'il mette de l'ordre sur toute chose, na pate kuweka usawa mu kila kitu, selon sa parole et selon sa promesse, kufatana na neno lake na kufatana na malako yake. Aujourd'hui nous voyons l'ennemi de Dieu. Leo hii tukunaona adui wa Mungu. Le diable. Diabolo. Satan. Shetani. Et l'antichrist. Na mupinga Kristo. Qui amène toutes choses sur son contrôle. Ule konapeleka bitu byote bikwe chini ya uongozi yake. Dans son Eden. Mwedeni yake. Car c'est Satan. Kwani yeye ni Shetani. Qui est le prince de ce monde. Yeye ndio mfalme wa hii ulimwengu. Satan aujourd'hui. Shetani leo. C'est lui qui domine toute la terre. Yeye ndio anatawala dunia mzima. Il domine la politique. Anatawala siasa. Il domine la religion. Anatawala ta dini. Il domine l'économie. Anatawala uchumi. Il domine chaque mouvement. Anatawala kila movementi, kila tendo. Parce qu'il est dominateur. Kwani yeye ni wa kutawala. La terre n'est pas encore sous le contrôle du Saint-Esprit. Dunia yowalo kwa chini ya ongozi ya Roho Mtakatifu. Dans Matthieu au chapitre 4. Mumatayo sura yake ya 4. Dans son verset 9. Mustari yake ya 9. Vous même commencez au verset 8. Mnezi kuanzia hata kumstari ya 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Shetani akamunyangula tena yulu ya mulima mwa ya juu kabisa. Lui montra tous les royaumes du monde. Na kumuonesha mafalme yote ya ulimwengu mzima. Et leur gloire. Na mautukufu yayo. Et lui dit. Na kumuambia. Je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes et m'adores. Takupatia hivi vitu vyote kama ukiinama na kuniabudu. Ce verset témoigne. Hii mustari inashuhudia. Que tous les royaumes de la terre et leur gloire. Ya kwamba maufalme yote ya padunia na mautukufu yayo. Viennent de Satan. Inatokea ni kwa Shetani. C'est lui qui domine toutes choses. Yenje kona tawala mu bitu biote. C'est pourquoi dans notre marche chrétienne, Étant sur cette terre, nous devons beaucoup veiller. Parce que Satan est au travail. Aujourd'hui, Léo, beaucoup de gens, Patumingi, les protestants, ba protestanti, les pentecôtistes, ba tuya pente, les évangéliques, ba pashabari njema, ba les mouvements de réveil, ma mouvement ya wamsho, les groupes de prière, makundi ya bale bakuomba, ceux qui ont dévié du message du temps de la fin, bale barenda pembeni mu jumbe wakati ya mwisho, dans leur orgueil, muma kiburi yabo majivuno yabo, sont aveuglés pour leur malheur. Bana pofushwa kwa ajili ya ole yabo. Tous ces hommes orgueilleux, aba batu bote ba kiburi, qui ne veulent pas entendre la parole de vérité, bale abapende kusikia neno la ukweli, ou qui entendent la parole de la vérité et qui la rejettent, voilà, seulement par orgueil. Leur orgueil les aveugle. C'est pour leur malheur. Aujourd'hui, toutes les dénominations n'osent plus ouvrir leur bouche aipime kamwe kufungula kinywa yabo pour protester contre les fausses choses jua kukombanisha bitu bia bongo qui les avait quitté ile ilibatokaka c'est qui les avait fait sortir ile ilibatosheshaka de l'église de Rome, de l'église catholique kanisa Roma, kanisa katoliki. Mais lorsque nous voyons ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, alakini wakati tunaona bile vinafanyika leo mudunia, tout le monde bantu bote s'agenuit bana inama devant cette bête, cette puissance bile umunyama hii uwezo, en toute conscience na zamiri zote. Toutes les dénominations mazebu zote sont en train de justifier peko na hesabia haki l'église de Rome, kanisa ya Roma. Et c'est en toute conscience qu'ils le font. Na bana ifuanya na zamiri yote benye kujua mzuri. Parce que l'écriture avait déjà annoncé. Kwani andiko ilikuwa nishatangulia kutangaza. Dans Apocalypse chapitre 13 là où nous avons lu. Mufunuo 13 mule tulisoma. Dans son verset 4. Msari yake ya 4. Et ils adorèrent les dragons. Wakabudu joka. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Kwani yeye aleta mamlaka kwa huyu nyama. Vous voyez, munaona, les dominateurs politiques qui est Rome, wakutawala musiasa, mwenye kwa Roma, et tout le monde l'admire. Na batu bote wanamushanga. Toutes les dénominations mazebu zote veulent être puissantes aujourd'hui, inapende kwe ya uwezo leo, par des richesses mondaines, kupitia mali ya mdunia, comme leur mère. Sawa vile mama yabo. Et elles ont oublié na banasabu wa mzebu la mission principale de l'évangile, kazi nye ya msingi ya injili, qui est le salut des âmes, yenye kuwa okovu ya manafsi. Et se sont lancés dans la concurrence des membres, banajitumbukiza mukubechana wingi ya bamemba, parce qu'ils recherchent l'argent. Kwani wanatafutisha fedha. Ils recherchent les honneurs. Wanatafuta maheshima. Ils recherchent les biens matériels. Wanatafuta vitu ya kimwili. Alors cette écriture, kumbi hii andiko, d'Ézéchiel chapitre 16, ya Ezekieli sura 16, dans son verset 44, mustari ya 44, s'accomplit. Inatimilika. C'est vrai, frère. Mkweli nduku. La Bible dit. Biblia inasema. Voici. Tazama. Tous ceux qui disent des proverbes. Bale wote benye kusema mafumbo. T'appliqueront ce proverbe. Batakutumia hii fumbo. Telle main. Hivyo iko mama, mama mzazi. Telle fille. Jo vile na binti wake atakuwa. L'église mère. Kanisa mama. S'est rendue puissante. Anajifanya kuwa wa uwezo. À cause des richesses qu'elle a acquis injustement. Kwa ajili ya mali ile anapata kwa uzalimu. Elle a acquis des richesses sous le sang. Anapata mali chini ya damu. Et aujourd'hui, elle est une puissance économique. Na leo anakuwa na uwezo muuchumi. Et ses filles. Na babinti zake. Ont emboîté le même pas. Nabo banaingia mwile njia moya moya. Elles veulent aussi briller par les biens matériels, par l'argent. Nabo banapenda bangale kupitia bitu ya kimwili wala kupitia feza. Elles ont suivi leur mère dans la voie de la concurrence. Banamufata mama yabo munjia ya kubechana. Et la mission des âmes est complètement oubliée. Na kazi ya kutafuta wokovu ya manafsi banahesabu kabisa kabisa. Et pourtant c'est la chose principale. Japo ile njo kitu ya msingi ya mafaa. Nous pouvons tout faire. Tunaweza kufanya yote uwezekanapo. Mais nous ne pouvons pas oublier. Na lakini hatuwezi kusahau. Pourquoi Dieu? Dieu ya nini Mungu? Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ? Dieu ya nini Bwana wetu Yesu Kristo? Nous a donné l'évangile. Alitupatia injili. La mission première. Kazi ya kwanza. De l'église du Seigneur. Ya kanisa ya Bwana. C'est aller partout au monde. Ni kwenda fazi pote ulimwenguni. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Kuhubiri habari njema kwa bantu wote. À celui qui croira et qui sera baptisé. Na ule atamini na kubatizwa. Sera sauvé. Yeye ule ataokolewa. La mission des âmes. Ile ndio kazi ya manafsi. C'est la chose la plus importante. Ni kazi ya mafamu sana. Et cependant l'Empire romain. Na ni mwakati ya utawala ya ufalme ya Kiroma. Qui actuellement est représenté par l'Europe unie. Ile leo inaonekanishwa na muungano ya Ulaya. Et la dernière puissance. Na yonjo uwezo ya mwisho. Qui s'épanouit devant nos yeux. Ile kuna panda na kupanda zaidi macho yetu. Comme les prophéties bibliques. Sawa vile maunabia wa Biblia. Les avait annoncé. Ili itangaza. Elle est la quatrième, le quatrième animal. Eko ule nyama waine. Et le dernier royaume. Na ufalme ya mwisho. De Daniel au chapitre 2. Ya Danieli sura yake ya pili. Dans son verset 40 à 44. Mstari ya makumi ine kufika makumi ine na ine. Daniel au chapitre 7. Danieli sura saba. Au verset 7, Moustaria Saba se forma sous la domination de l'Église catholique de Rome. Ya kanisa katoliki ya Roma. Selon les prophéties bibliques. Kufatana na maunabi na matabiri ya Biblia. La dernière puissance. Uwezo ya mwisho. Le dernier royaume. Ufalme ya mwisho. Est en train de se reconstituer encore davantage. Inaritia nguvu tena. Ce dernier royaume est représenté dans la vision de Nebuchadnezzar. Inaonekanishwa muono ya mfalme Nebuchadnezzar. Par le pied, quoi, kupitia migu, et dans la vision de Daniel, na muono ya Danieli, c'est par une bête terrible. Inaonekanisha kupitia unyama wa makari. Elle se forme maintenant pour dominer toute la terre. Yufalme inajitunga juu ya kutawala dunia mzima. C'est sous la domination de l'Église catholique de Rome. Ni chini ya utawalo ya kanisa katoliki ya Roma. Les États-Unis d'Amérique. America. sont représentés dans la Bible comme un agneau sawa mwana kondo avec des cornes na mapembe mbili. L'Amérique America. Les États-Unis d'Amérique mungano ya mainchi America. Dans les saintes écritures mu maandiko takatifu est représenté par un agneau banayonekanisha kupitia mwana kondo avec des cornes na mapembe mbili. Ces deux cornes ne sont autres que le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Ima pembe mbili manake ni uwezo ya kisiasa na uwezo ya kidini. Selon l'Apocalypse chapitre 13, kufuatana na Ufunuo sura 13, dans le verset 11, na mstari ya 11, puis j'ai vu monter de la terre kisha nikaona toka pa dunia une autre bête qui avait deux cornes, nyama mwingine ule alikuwa na pembe mbili, semblable à celle d'un agneau, alikuwa yenye kufananisha na mapembe ya mwana kondoo, et qui parlait comme un dragon, na alikuwa anasema sawa joka. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence, alikuwa anatumia mamlaka yote ya unyama wa kwanza muwepo wake, et elle obligeait, na alikuwa anamlazimisha, elle obligeait, alikuwa analazimisha. Elle obligeait, alikuwa analazimisha, la terre et ses habitants, dunia mzima na bakaji bote bapatia, à adorer la première bête, ya kwamba bapate kuabudu nyama wa kwanza, dont la blessure mortelle avait été guérie. Ule kidonda chake kya karibu kufa kilitunzwa, kilipona. C'est vrai. Ni kweli. Les États-Unis d'Amérique. America. Selon les prophéties bibliques, kufatana na maunabii ya Biblia, occupe la deuxième position. Yeye anachukua fazi ya pili, et il a comme tâche, na eko na kazi ya, d'amener tous les peuples du monde, ya kupeleka ya kusukuma watu bote ulimwenguni, à adorer la bête, bapate kumwamini huyu nyama, adorer Rome, mwabudu le pape, Roma, papa, mwabudu, qui est la première bête, mwenye kwa ule nyama wa kwanza. C'est vrai. Ni kweli. Ce sont les États-Unis d'Amérique, ni America, qui obligent, joe kuna lazimisha, et qui obligera, na ula ta lazimisha katena, tous les habitants de la terre, bakaji bote bapa dunia, à s'incliner vers l'Église catholique. Papate kuinama mbele ya kanisa ya katoliki. C'est une mission. Ile ni kazi que Satan lui a donné. Ile shetani alimpatia. Et elle travaille dans la, elle travaille pour la cause. Na yuko natumika juu ya ile sababu. C'est ainsi que vous remarquerez. Chukamana mtaona que depuis longtemps, ya kwamba tangia zamani, les empereurs, bafalme bakubwa, les papes, bapapa, les dignitaires de l'Église catholique, beshimiwa ba kanisa katoliki, qui ont vécu autrefois, bale baliishi zamani, avaient la pensée d'unité, de l'unité dans leur cœur. Balikuwa na mawazo ya kuungana moyo wabo. Ils voulaient unir le monde entier. Balitafuta kuunganisha ulimwengu mzima. Sous la conduite, chini ya uongozi, et sous le contrôle, na chini ya utawalo, de l'Église catholique. Ya kanisa ya katoliki. Ils voulaient, balipenda, unir le monde entier, kuunganisha ulimwengu mzima ikuwe mmoja, sous le contrôle, chini ya uongozi, et sous la conduite, na chini ya utawalo, du pape, ya papa. C'est vrai, frère. Bia kweli nduku. C'est pour cela, Dieu kwa mana, que vous voyez l'Empire romain, mnaona ufalme ya Kiroma, est étroitement lié avec l'Église catholique, na kanisa katoliki, d'une façon inséparable. Unamuna ile awezi kubatenganisha. Pour que le quatrième royaume juya ufalme hii ya ine atteigne son objectif, ipate kufika mkifunguzio yake, comme les prophéties bibliques l'avaient annoncé, kama vile maunabii au Biblia ilitangaza, cet empire hii ufalme mkubwa est étroitement lié, inaungana kabisa kabisa, avec l'Église catholique de Rome, na kanisa katoliki ya Roma, d'une façon qu'on ne peut pas les séparer. Namna ila kuna namna kubatenganisha. C'est pourquoi, njo kwa maana, quand vous lisez l'histoire, ukisoma hadithi, déjà à l'époque de Constantin, mwakati ya Constantin, l'Église catholique de Rome, kanisa katoliki ya Roma, fut premièrement appelée, kwanza walikuwa naita, l'Église de l'Empire, kanisa ya ufalme. Ensuite, kisha, on l'appela l'Église du peuple. Wakaita tena kwamba ni kanisa ya watu. Et enfin, na mwisho yake, l'Église de l'État. Wakaita sema ni kanisa ya serikali. Toujours la même église. Makele kanisa moya moya ile. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que cette église, kwani kanisa, est étroitement liée, inaungana kabisa kabisa, à ce quatrième empire, na hii ufalme ya ine, cette église œuvre, hii kanisa inatumika, de manière, namna, à ce que l'empire puisse prospérer, na kwamba ufalme ipate kuendelea, et à unir tout le monde, na ipate kuunganisha batu bote, le peuple du monde entier, batu ba ulimwengu mzima, sous son contrôle, chini ya uongozi yake. C'est vrai. Bien quoi, depuis que les nations existent. Tangia mainchi mbalimbali kwako, mataifa mbalimbali kwako. Cette église. Hii kanisa. Est la seule institution. Iku peke yayo. Qui a pris la forme de l'État. Iku peke yayo njo ilichukua hali ya serikali. Dans le monde entier. Muli mwangu mzima. Et depuis que les nations existent. Tangia mataifa ikwako. Il n'a jamais eu. Akuya kuyaka. Une seule église. Kanisa tamoya. Qui est une institution de l'État. Yenye kuwa matengenezo ya serikali. Ou qui a pris la forme de l'État. Wala yenye kuchukua hali ya kiserikali. Non, frère. Apana nduku. Non, ma soeur. Apana dada. C'est pourquoi on a l'habitude de l'appeler. Jukamana kuna yaku zoezo ya kuita. Les gens ont l'habitude de l'appeler. Batu weko na zoezo ya kuita. L'État pontifical. Ya kwamba serikali ya kipapa. L'État pontifical. Serikali ya kipapa. Un pays, inchi, un pouvoir, mamlaka, qui est soumis, yenye kutishi, au pape, kwa papa. Vous voyez, munaona, même les mouvements de réveil qui se sont levés dans le monde, hata ma mouvementi ya uamushele riamuka mudunia, n'ont jamais eu la forme de l'État. Yo balo kubebaka ali ya kiserikali. Non, bien-aimé frère. Apana nduku mpendwa. Il n'y a que l'Église catholique de Rome. Uko paka kanisa katolika ya Roma. Qui est la seule institution. Jo peke yayo matengenezo. Qui a pris cette forme de l'État. Ile chukua ile hali ya kiserikali. Pour bien gérer son pouvoir. Ipate kuongoza mzuri mamlaka yake. Pour bien dominer le monde. Ipate kutawala mzuri ulimwengu. Comme Daniel l'avait annoncé. Paka vile Daniel alitangazaka tangia zamani. C'est vrai. Bia kweli nduku. Il n'y a aucune église. Akuya kuyaka kanisa tamoya. Qui a eu cette structure. Ile ilikuwa na hii hali ya kiserikali. A commencer par l'église d'Orient. Kuanzia tu ku kanisa ya kuasubuhi. Jusqu'à l'église anglicane. Ufika na ku kanisa ya kianglikani ya ulimwengu mzima. Dans toute l'Europe. Mubula yote mzima. Il n'y a jamais eu une église amuya kuyaka kanisa qui a pris cette forme. Il est rijukua hali ya kiserikali. Non frère. Apana nduku. Non sœur. Apana dada. Daniel avait déjà montré Daniel, que le quatrième animal, celui qui prendrait le pouvoir et le contrôle du monde entier, sous sa main, c'est vrai frère, c'est l'église catholique de Rome. Ni paka tu kanisa ya katoliki ya Kiroma. A Vatican. Kule ku Vatikani. Est un état souverain. Ni inchi yenye kwa na utawalo yayo. Et indépendant. Na inajenea. Dans un autre état. Dani ya inchi ingine. Sur toute la terre. Pa dunia mzima. C'est l'église catholique de Rome à Vatican. Ni paka tu kanisa ya katoliki ya Kiroma kule ku Vatican. Est un état souverain. Yonjo inchi yenye kuwa na utawala. Indépendant. Na yenye kuneana yenye. Qui se trouve dans un autre état. Yenye kupatikana mu inchi ingine. C'est ce que nous pouvons lire dans Apocalypse chapitre 17. Jwele tunaweza kusoma mu Ufunuo sura 17. Dans son verset 11. Mustari ya kumi na moja. Et la bête qui était. Na ule nyama ule alikuwa ako. Et qui n'est plus. Na anako tena. Elle-même le huitième roi. Na yo inyewe ule nyama njo mfalme wa munane. Et elle est du nombre de sept. Eko muwingi ya bale ba saba. Et elle va à la perdition. Na eko neenda mukupoteya. Et la bête qui était. Na ule nyama ule alikuwa ako. Et qui n'est plus. Na hapa sasa anako tena. Pourquoi l'écriture utilise cette forme? Jua nini andiko inatumia. La bête que tu as vu. C'est la bête qui était, qui n'est plus. Uyu nyama ule alikuwa ako na anako tena. La succession des papes. Ni kufuatana kwa papa. Quand un pape venait. Wakati papa mwa akikuja. Quand un pape partait, l'autre venait. Mwingine anakuja. Quand l'autre partait, l'autre venait. Mwingine anenda, mwingine c'est anakuja. Ce que la Bible exprime ici. Ndio kile Biblia inafasilia. Vous voyez. Munaona? Et elle-même un huitième roi. Yeye mwenyewe ni mfalme wa munane. Et elle est du nombre de sept. Eko muwingi ya basaba. Et elle va à la perdition. Na eko nenda mukupotea. L'église catholique à Vatican, kanisa katoliki kule ku Vatican est un état souverain et indépendant dans un autre pays qu'on appelle l'Italie. Mwinchi ingine ile wanaita Italie. Vous voyez, munaona? Un état dans un état. Inchi ndani ya inchi ingine. Il est le huitième roi, mais du nombre de sept. Et comme falme wa munane, muba wingi ya basaba. C'est vrai. Ni kweli. Babylone a toujours été un mystère. Babeli inegalaka kila mara ni siri. La mystère, la grande Babylone. Siri, Babeli mkubwa. Un état dans un état. Inchi ndani ya inchi ingine. Mais la moins souverain alakini, et indépendant. Yenye kwa na utawalo yayo na yenye kujeneza. Ses ambassadeurs babalozi yake sont appelés les nonces. Beko na baita sema banonce. C'est la seule église. Ni kanisa moja tu. Église d'État. Kanisa serikali. Qui entretienne des relations diplomatiques. Ikuna mapatano ya kisiasa. D'État à État. Ma inchi ingine sawa inchi. Avec le monde politique. Na ulimwengu ya kisiasa. Dans le monde entier. Mudunia mzima. Il n'y a que Vatican. Kuko paka Vatican. L'église catholique de Rome. Kanisa ki katoliki ya Roma. Qui entretient des relations diplomatiques d'État à État avec le monde politique. C'est la seule église qui a un service de sécurité et de renseignement. Un service de renseignement. Une église qui s'est appropriée un état, un territoire dans un état. Ile inalichugulia inchi banaita inchi ndani ya inchi ingine. Qui a des ambassadeurs dans le monde entier. Na ni kanisa moja tu yenye kuwa na babalozi mulimwengu mzima. Et pour voiler les profanes, on les appelle les nonces. Jua kufunika macho ya wasio kujua banabaita sema ni banonce. Une seule église. Kanisa moja tu yenye kuitwa serikali. Qui a des relations diplomatiques avec le monde politique. Yenye kuwa na mapatano ya kisiasa na batu ya kisiasa. Elle a un service de sécurité. Un service de renseignement. Iko tena na baba tifu tifu. Elle a un service d'information, de radio, de télé, ma radio, ma télévision. La seule église, kanisa moja tu limwengu, la seule cité, muji tu moja, le seul état, inchi moja tu, ayant l'autorité yenye kwa na mamlaka, sur tous les pays, pa ma inchi yote, sur tous les présidents, yuli ya maraisi bote, du monde entier, ba ulimwengu mzima. Mais contrairement à l'église de Christ, kwa kinyume na kanisa ya Kristo, qui est né à Jérusalem, il est rizali wala irianza kule ku Yerusalem. Une seule église, kanisa moja tu, qui a l'autorité, yenye kwa na mamlaka, sur tous les pays du monde, pa mainchi yote ya ulimwengu mzima. Contrairement, kwa kinyume, à la véritable église de Jésus-Christ. Na kanisa ya kweli ya Yesu Kristo. Qui est né à Jérusalem. Ile ilianza kule ku Yerusalem. Le chef de l'État. Bakubwa wa maserikali. Le chef. Ba mkubwa wa serikali. Le chef de l'État de Vatican. Mkubwa wa serikali ya Vaticano. S'appelle le pape. Jina lake wanamuita ni pape. Qui lors de ses visites, manake wakati anatembea, reçoit des honneurs, anapata maheshima, politique, ya kisiasa, un militaire, ya kijeshi, comme tous les politiciens du monde. Sawa bafanya siasa bote ba ulimwengu mzima. Le seul chef religieux, peke yake tu mkubwa wa kidini, qui a un pays souverain. Dans un autre pays souverain, mwenye kwa na inchi yenye na utawalo yayo ndani ya inchi ingine yenye kwa na utawalo. Dont son chef de l'État s'appelle le pape. Manake raisi wa ile inchi banamuita pape. Quand il fait ses visites, wakati anatembea matembezi yake, c'est le seul homme ni mtu tu peke yake qui reçoit les honneurs militaires et politiques. Ule veko unapokea na maheshima ya kijeshi na kia siasa. Et dans sa ruse, il fait des discours politiques, sociaux, économiques, militaires et religieux pour aveugler les ignorants. Avez-vous déjà vu le pape avec la Bible en train de prêcher? Papu na Biblia yake kumikono yako na ubiri. Le pape fait des meetings politiques. Papa yako nafanya ni ma meeting ya kisiasa. Quand le pape voyage, wakati papa anasafiri, ce n'est pas dans le but d'aller chercher des âmes. Haina mkifukuzio kiaende kutafuta wokovu ya manafsi ya watu hapana. Il voyage. Yako na safiri. C'est pour aller traiter les affaires politiques. Ni kwa kwenda kuongea. Économique. Na kutengeneza. Militaire. Mambo ya kijeshi. Social. Ya kiuchumi. Et religieux. Na ya kisiasa ya. Na ya kidini. Il se présente comme un bon médiateur. Yeye anajionekanisha sawa mupatanishi mwema. Pour reconcilier les ennemis. Dieu a compatanisha baadui. comme un homme compatissant aux pauvres. Sawa mutu mwa buluma mbele ya bamaskini. Mais il n'a pas la parole de l'évangile. Alakini yeye ana na neno ya injili hapana. Il fait ses discours politiques. Anafanya mahutuba yake ya kisiasa. Il reçoit ses honneurs. Manampokea na heshima ya kijeshi. Et politique. Na ya kisiasa. Il s'en va. Na anaenda zake. L'église catholique romaine. Kanisa katoliki ya Kiroma. Est la seule puissance mondiale politique, économique, religieuse. Peut-elle être réellement l'église de Jésus-Christ sur la terre? Kanisa Jésus-Christ pa dunia? Parce que ce qu'elle est en train de faire. Kwani ile eko nafanya. Christ ne l'a jamais fait. Christ kamwe haifanyaka. Jésus-Christ est venu sur cette terre. Jésus-Christ alikuja hapa pa dunia. Il ne s'est jamais mêlé dans la politique. Kamwe ashia dingiza kama mambo ya siasa. Où avez-vous vu? Ni wapi kule mulionaka? Jésus-Christ. Jésus-Christ. L'apôtre Paul. Mutume Paulo. L'apôtre Jean. Mutume Yohani. L'apôtre Pierre. Mutume Petro. S'est mêlé à la politique. Kujingiza mu mambo ya kisiasa. Quand Jésus-Christ est arrivé. Wakati Jésus-Christ alikuja. Il a trouvé son peuple dans la chair. Alikuta banduku yake mumwili. Il a trouvé ses propres frères selon la chair. Alikutaka banduku yake mumwili. Sous la domination de Rome. Chini ya utawalo ya Roma. Il n'a jamais dit un mot à ce sujet. Ashia semaka ko kintu pa ile mambo. Il ne s'est jamais opposé à la politique de Rome. Ashia kombanishaka kamwe utawalo wa Roma. Il n'a jamais critiqué Ashia Beulaka, même la politique de Rome. Hata siasa ya Kiroma, parce que lui-même savait wani yeye mwenyewe alijua que cette puissance mondiale, ya kwamba hii uwezo ya ulimwengu, c'est elle qui dominerait la terre jusqu'à la consommation des temps. Kufika na mwisho ya nyakati. Elle devait faire son travail. Na ile uwezo ilipashi ifanye kazi yayo ikanisa. Il ne s'est jamais attaqué à cette église. Kamwe ashia kumanishaka kamwe. Ashia kumanishaka kamwe Roma. Jésus-Christ n'a jamais parlé de l'économie. Jésus-Christ kamwe ashia semeyaka yulu ya uchumi ya inchi. Il n'a jamais réconcilié les politiciens. Yevalo kamwe kupatanishaka watu wafanya siasa. Pilate et Hérode étaient des ennemis. Pilate na Hérode balikuwa ni baadui. Jésus ne les a jamais réconciliés. Yesu kamwe yeye walikupatanisha. Ils se sont réconciliés même. Wao wenyewe walijipatanisha. À la mort de Jésus. Palufu ya Yesu. Vous voyez frère. Unaona nduko. Mais le comportement de cette église. Alakini namna ya kutenda hii kanisa. Ne prouve en rien. Ayoneshe mukito hata kimoja. Quelle est l'église du Seigneur sur la terre? Ya kwamba ni kanisa ya Bwana pa dunia. Et nous, comme les enfants de la lumière, na sisi sawa watoto wa nuru, nous ne pouvons pas mourir avec les incrédules, avec les méchants. Kufa pamoja na bakutokuamini na watu babaya. Nous, en tant que fils de lumière, sisi les enfants de la lumière, watoto ya nuru, selon 1er Thessaloniciens. Kufuatana na Thessalonika wa kwanza. Dans son verset 4. Mstari yake 1er Thessaloniciens chapitre 5. Thessalonika wa kwanza sura 5. Dans son verset 4. Mstari ya 4. Mais vous frères, alakini mweye banduku, vous n'êtes pas dans les ténèbres, amuna mumagiza, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Anakini tukeshe na tupate kuwa na kiasi. comme enfant de la lumière, sawa batoto ya nuru, nous ne pouvons pas mourir avec les méchants. Hatuwezi kufa pamoja na watu wabaya. Car les visions de Daniel, kwani maono ya Danieli, et les visions de Jean de l'Apocalypse, na maono ya Yohane mbatizaji wa ufunuo, nous révèle tout ce qui est caché, inatufunulia yote yenye kufichwa, aux yeux des incrédules, macho ya bakutokuamini, depuis leur origine, tangia mwanzo yayo, jusqu'à la fin de la civilisation actuelle, kufika na mwisho ya kizungu kya leo. Dieu a tout révélé, Mungu alifunula yote, aux enfants de Dieu, wa batoto ya Mungu, aux enfants de la lumière, wa batoto ya nuru, tout ce qui doit se passer sur la terre, ile yote inapaswa kufanyika pa dunia, c'est écrit, maisha yandika, dans Daniel au chapitre 2, mu Daniel sura 2, dans son verset 40 à 45, c'est écrit, dans Daniel au chapitre 7, dans son verset 15 à 27, c'est encore écrit, dans Apocalypse chapitre 17, dans son verset 1 à 18, tout est écrit. Nous ne sommes pas les enfants des ténèbres. Dieu a écrit ces choses. C'est pour nous aider à ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Beaucoup de gens aujourd'hui adorent Satan sans le savoir. Bien aimé frère. Bien-aimés sœurs, mais nous ne devons pas mourir avec les méchants. Si c'est à toi de kufa pamoja na batu babaya, si tu mourais kama ukikufa avec les méchants pamoja na batu babaya, tu n'es pas un fils de Dieu. Auna mtoto wa Mungu, tu n'as jamais été un fils de Dieu. Au yakuyaka mtoto ya Mungu, tu meurs, unakufa, tu mourras avec les méchants. Parce que aussi tu es un enfant de ténèbres. Un enfant du diable. Qui ne veut pas apprendre et qui ne veut pas écouter la voix du grand maître. Depuis le premier royaume païen, il y a eu là, le royaume de Babylone, ulikuwa ufalme ya Babeli, le royaume des Mèdes et Perses, ufalme ya Bamedi na Baperse, celui d'Alexandre le Grand, ile ya Alexandre le Grand, c'est maintenant sasa, le tour du quatrième royaume, c'est-à-dire Rome, yo wakati ya ufalme ya ini, qui doit Roma, dominer jusqu'à la fin. Ula anapashi kutawala kufika na mwisho. Même les simples historiens qui n'ont pas de révélation savent que le quatrième empire, selon la vision de Daniel, selon la vision que le roi Nebuchadnezzar avait vu, qui fut interprété par Daniel, selon la vision des bêtes, des quatre bêtes de Daniel, interprété par l'ange Gabriel, tout le monde sait que c'est la quatrième bête terrible, extrêmement fort, épouvantable, c'est Rome. Ni Roma. Et après Rome, na kisha Roma, c'est la fin des temps. Ni mwisho ya nyakati. Il n'y a pas cinq royaumes, non. Hakuna maufalme tano, apana. Quatre royaumes, maufalme ine, dont le dernier, manake ile ya mwisho, c'est Rome. Ni Roma, qui est terrible. Jo wa atari. comme nous l'avons montré. Il renferme en lui toutes les puissances qui ont existé. Toute la politique qui a existé. Siasa yote ile litangulia. Elle est terrible. Yeye ni hatari. Et c'est un mystère. Naye tena ni siri. Pourquoi? Juu ya nini? C'est un mystère. Juu ya nini yeko siri? C'est à cause de ces mutations. Ni kwa ajili ya kubadilika kwake. Et comprise par le peuple. Kule watu awaelewe. C'est à cause de ces mutations, de ces transformations, que le monde inconverti ne parvient pas à saisir et ne comprenne pas que c'est elle qui devait dominer la terre entière. Ça fait 2000 ans. Que Rome exerce son autorité pale Rome angana tumika uwezo yake pa dunia mzima comme Dieu l'a dit. Sawa vile Mungu alisema. Mais regardez aujourd'hui avec un œil naturel nalicho tu ya asili. Quand les gens entendent cela, wakati watu wasikia vile, disons ces frères aussi exagèrent. Aba bantuku na bova na vipitisha amo. Nous voyons nulle part. Atone fashe ata moi. Le royaume de Rome. Ufalme ya Kiroma tuione. Ils ne comprennent pas bo abaelewe que l'église catholique ya kwamba kanisa katoliki est attachée à l'empire romain. Inajunga kufalme ya Kiroma. L'église catholique kupitia kanisa katoliki que l'empire est en train de respirer. Ndio ufalme ikunapumzika. Rome a exercé cette autorité. Roma alitumia mamlaka yake. De deux manières. Namna mbili. Mystère. Siri. La grande Babylone. Babeli mkubwa. Depuis qu'elle a pris le contrôle du monde. Tangia alichukua uongozi wa ulimwengu. Satan dans ce royaume de Rome. Shetani mwi ufalme wa Kiroma. A dominé toute la terre. Anatawala dunia mzima. De deux manières. Namna mbili. Premièrement. Kwanza. Cette autorité. Ni mamlaka. Ou son pouvoir. Uwezo yake. Fut d'abord politico païen. Ilikuwa kwanza ya kisiasa ya kipagano. Et deuxièmement. Ya pili. Il devient. Anakuwa. Politico. Ya ki. Pagano. Chrétienne. Ya kisiasa ya kipagano tena na kikristo. Ce qui trouble les gens. Ile njo ina vurusha watu. Depuis que Rome. Tangia Roma. Exerce ses pouvoirs. Niko tatumia uwezo wake. Sur toute la terre comme les exécutifs l'avaient annoncé. Pa dunia mzima paka vile maandiko ilitangulia kutangaza. À cause de ce changement. Kwa ajili ya kubadilika kwake. Que les gens ne comprennent pas. Ule batu abaelewe. Il a exercé ses pouvoirs, son pouvoir. Alitumia uwezo de wake. De deux manières. Namna mbili. Il a d'abord exercé. Kwanza alitumia. Comme Rome païenne. Na wa Roma kipagano. Avec les empereurs. Pamoja na bafalme. Et ensuite. Na kisha. Comme ils avaient compris. Kwa vile walielewa. Il ne gagnerait pas le monde. Ya kwamba hawezi kutawala dunia. Il ne gagnerait pas le monde. Hawezi kutawala dunia. Force, nguvu, cet empire changea de tactique. Il va diriger la manière de tenir. Il est devenu Rome papale. Inakuwa sasa Roma ya kipapa. Toujours la même Rome. Pakale Roma moya. Mais politico. Lakini ya kisiasa. Pagano. Ya kipagano tena. Et chrétien. Na ya kikristo. Elle est en même temps politique. Iku tena ya kisiasa. Entièrement païenne. Na, kabisa tena ya kipagano. Emele un peu avec le christianisme. Na inachanga mkidoko ki Kristo. Avez-vous déjà vu? Eti mnesha kuonaka. Le chrétien catholique se gêne pour faire le péché. Ba Kristo ki catholique ba dizuize pa boku tenda zambi. Le croyant catholique ne se gêne pas pour commettre le péché. Pourquoi? Jia nini? Ils ont une garantie. Bekuna hakikisho. De leur église. Ya kanisa yabo inabahakikishia. Si ils tuaient quelqu'un. Ata kama akiua mtu. Peu importe ce qu'il peut faire, même si il commettait des abominations. Ata kama anatenda makufuru. Mais quand il arrive vendredi soir ou samedi soir, akifike mangaribi ya muposho, il va le confesser chez un prêtre. Atenda kukiri hiyo mbele ya padiri. Et leur Dieu oublie son péché. Na Mungu wake anasabu zambi yake. C'est ce qui trouble les gens. Dieu il est nafazaisha watu. Inavurusha watu. C'est ce qui embrouille les gens. Dieu inavurusha watu. Vous voyez. Munaona? Cela ne peut pas embrouiller les enfants de Dieu. Ayeze kuvurusha batoto ya Mungu. Parce qu'ils sont éclairés par le Saint-Esprit. Wani batoto ya Mungu banangaziwa na Roho Mtakatifu. Cet empire. Iu falme munene. Ce quatrième royaume, ufalme ya ine, cet animal est terrible, unyama, épouvantable, wa ajabu, wa, qui mange, qui brise watari, tout, ule kuna vunja biote, qui annelle dani la yake, force de fer, mukuwezo ya kutenda na yo, a dominé la terre, anatawala dunia, et domine la terre de cette manière. Na eko natawala dunia, muina muna. Et là, elle fut d'abord kwanza alikuwa, l'autorité politico-païen. Mamlaka ya kisiasa ya kipagano. Et elle devint aussi politico-pagano chrétien. Na ikakuwa tena mamlaka ya kisiasa ya kidini na ya kikristo ya kipagano. Mwana ntu kumpendwa. Les politiciens wafanya siasa sont les enfants de cette église. Ni watoto ya ile kanisa. Tous les païens bapagano bote sont les enfants de cette ni watoto ba mwile kanisa. Même les faux chrétiens hata ba Kristo ba bongo sont les enfants de cette église. Ni watoto ba mwile kanisa. Et la Bible elle est précise. La Biblia inasema wazi. Donc elle contient tout le monde. Manaki yeko na beba bantu bote, kuna bantu bote. Biblia inasema elle est une repère. Yeye ni boma. De tous les oiseaux impurs. Ya wanyama bote bachafu. C'est ce qu'Apocalypse dit. Dieu qui le funo yeko nasema. Vous voyez bien mes frères. Unaona ntu kumpendwa. N'importe quel empereur qui a régné. Mufalme wote ule alitawala. Son souci fondamental. Angaiko yake ya msingi. Était d'asseoir le pouvoir. Il croyait puikarisha ufalme yake ya Roma. D'agrandir. Ya kunene pesha. De fortifier. Ya kutia nguvu. De défendre cet empire. Ya kukombania ile ufalme. Et ses intérêts. Na mafaida yake. Par tous les moyens. Kupitia manamna yote. C'était la pensée qui était à Nimrod. Ile ndio wazo ilikuwa ndani ya Nimrod. Toute la pensée qui était en Nimrod se retrouve et s'est retrouvée dans tous les papes, dans tous les empereurs qui sont passés dans cet empire, par cet empire. Pourquoi? C'est le même Satan qui était au début de cet empire. C'est le même Satan qui va achever avec le même empire. Il a un seul objectif, c'est être adoré et dominer la terre tout entière. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes soeurs. L'empire britannique. Et même le bloc de l'Est. Atakundi ya watu ya asubuhi. L'empire soviétique. Ufalme ya URSS. Tous sont tombés. Bote walianguka. Pour laisser place à Rome. Jua kuachia fazi Roma. Toutes les puissances qui se sont levées. Mawezo yote ile ilamuka. Sont tombés. Il y a anguka, c'est pour laisser la place à, kuachia fazi, à l'église catholique de Rome. I kanisa katolika Roma, pour que Satan puisse bien régner. Ili shetani apate kutawala mzuri. Déjà au 4e siècle, pour ceux qui connaissent l'histoire. Au 4e siècle, kwa wale wanajua hadithi, il y a eu des croisades. Kulikuwa mavita. Qu'on a appelé des guerres saintes de l'Église catholique. Ya kanisa ya katholique. Au 4e siècle. Kule kukarzi ya ine, pour contrôler tout le monde. Jua kongoza batu bote, kutawala batu bote. L'Église catholique. Kanisa katholiki a a créé des croisades. Il tengeneza ma vita. Il tunga des guerres saintes. Il tunga ma vita, ele wanaita ma vita takatifu. Cette église. Il kanisa. A pris les armes. Il chugua ma sila. Pour aller conquérir le monde. Ya kutawala dunia. Et il a versé beaucoup de sang. Na alimwanga damu mingi. C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. C'est vrai, ma soeur. Ya kweli dada. Il y a eu des croisades qui sont des guerres saintes. Il est venu être ma vita takatifu ya kanisa katoliki. Il voulait fortifier son pouvoir. Il penda tie nguvu falmu wake. Sous la foi trinitaire. Chini ya imani ya bambu Mungu butatu. Et cette église. Na ikanisa. Ce royaume, cet empire. Falme munene. A tué beaucoup de saints. Il y a batakatifu ba mingi. Dans son intolérance à d'autres religions. Elle ne pouvait pas tolérer d'autres religions. Elle a tué les juifs. Elle a tué les chrétiens. Des millions. Ma millioni na millioni. Et pour elle, c'était des guerres saintes. Et ceux qui tuaient, étaient justifiés. Leur péché était expié et on les canonisait. Même les plus méchants de cette église ont été justifiés par l'église. Ce n'est pas pour rien que l'Apocalypse 6, Fundo sura sita, dans son verset 1, Mustari ya kwanza, dit ceci. Anasema hivi. Apocalypse chapitre 6. Fundo sura ya sita. J'ai regardé. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit l'un de ses seaux. Et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. J'ai regardé et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Na ula alikuwa mwenye kumpanda kwa upinde. Na taji ilimupewa. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Alienda sawa mshindani na juu ya kushinda. C'est l'antichrist. Huyu ni mpinga Kristo. Au nom de la religion. Jina ya dini. Avait pris les armes. Alichukua masila. Pour tuer les saints. Juu ya kuua batakatifu. Dans Apocalypse chapitre 17. Mufunuo sura 17. Dans son verset 6. Mstari ya 6. J'ai vu cette femme. Naliona u mwanamuke. Cette église. I kanisa. Ivre du sang. Mwenye kulebeka. Des saints. Na damu ya watakatifu. Et du sang des témoins de Jésus. Na mwenye kulebeka na damu ya bashuda ya Yesu. Et en la voyant. Kisha kumuona. Je fus saisi d'un grand étonnement. Nikashikwa na mshangao mkubwa. Oma une église qui se dit sainte. Namna kanisa namna gani kanisa na jita takatifu. Que tu es le saint. Inawezi tena kuwa batakatifu. Témoin de Jésus. Même Jean n'a pas compris. Dans Apocalypse chapitre 16. Dans Apocalypse chapitre 16, verset 6. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Kwani walimwanga damu ya watakatifu na ya manabii. Et tu leur as donné du sang à boire. Na uliwapatia damu wapate kunywa. Il les mérite. Na wana istahili. J'entendis un autre ange qui de l'autel disait, oui Seigneur, Dieu tout puissant, tes jugements sont véritables et justes. Nikasikia toka mazahabu mazahabu ile alikuwa anasema ndio bwana wa uwezo wote maamuzi yako iko ya kweli na ya waki. Mais cette église, lakini kanisa. La Bible est claire. Biblia ikuwazi. On a retrouvé le sang des saints et des prophètes, des témoins de Christ en son sein. Pouvait-elle être l'église de Christ et tuer les saints? Non, bien-aimé frère. Non, bien-aimé sœur. Les papes et les dignitaires Papa, nababa, tuwa, ishima, ont toujours été mêlés kila mara, à la politique. Banalichangaka kusiasa. Tous les papes ba papa, bote, et tous les dignitaires na, ba, de l'église bote, catholique ba kanisa katoliki, beshimiwa. Ont toujours été mêlés à la politique. Mais Dieu, lui, alakini Mungu yeye, ne fait pas de politique. Afanyake siyasa. Dieu ne fait pas la politique. Mungu afanyake siyasa. Et ses serviteurs non plus. Na batumishi yake nabo afanyake siyasa. Pourquoi? Nini? Dans Jean au chapitre 18, Mouane, sura kumi na mnane, dans son verset 36, Jésus-Christ a dit que son royaume n'était pas de ce monde. Jésus n'a jamais fait de la politique. Jésus-Christ a serviteur non plus. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Dans Jean au chapitre 18, dans son verset 36, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Dans Jean au chapitre 17, dans son verset 16, ils ne sont pas du monde. Les véritables croyants, les véritables serviteurs de Dieu, les véritables enfants de Dieu ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Et aujourd'hui encore, les papes, les archevêques, les évêques, les monseigneurs, les prêtres et les fidèles de l'église catholique sont toujours mêlés à des négociations politiques, économiques, militaires, religieuses pour atteindre leur but, leur rêve de l'Empire. C'est Satan qui fait cela. Aujourd'hui, vous le voyez. Le pape, qui est le chef de l'État, du pays et de la cité de Vatican, qui est le chef spirituel de l'église catholique, et le médiateur des politiciens, et tout politicien qui se respecte et qui comprend doit visiter le pape pour avoir du succès dans tout ce qu'il fait. C'est pour vous remarquer, partout au monde, que ce soit chez les musulmans, que ce soit chez les bouddhistes, que ce soit chez les athées, que ce soit chez les soi-disant chrétiens qui sont venus dans la politique, quand quelqu'un devient président, il doit à tout prix faire une visite au pape de Rome, sinon il n'a pas de succès. Et il n'aura pas de progrès dans ce qu'il fait. Il n'aura pas de succès dans l'avenir. Oui, bien mes frères. Même la politique mondiale. La politique mondiale. Qui se fait par les États-Unis, la Russie, passe d'abord par Vatican. Inapitia kwanza par Vatican. Elle est à l'œuvre. Et comme kazi. Parce qu'il faut que la prophétie s'accomplisse. Kwani inapashima unabii timilike. C'est lui qui dirige ni yeye ndio kunaongoza toute C'est lui qui dirige toute la politique mondiale. C'est le chef de l'État de la cité de Vatican. Regardez les grandes alliances qu'on appelle les traités de paix, la plupart ont été négociés et signés à Rome. Pourquoi? Rome est la capitale mondiale de Satan. La politique mondiale du diable se joue à Rome. Inafanyika ni kule ku Roma. À la recherche de la paix, mukutafuta salama, les ennemis d'hier, baadui wa jana, peuvent devenir des amis d'aujourd'hui par hypocrisie. Manawezi kwa marafiki bale kwa unafiki. C'est seulement pour accomplir ni jutu ya kutimiza. 1 Thessaloniciens chapitre 5, Thessalonike wa kwanza sura 5, son verset 3, mstari ya 3. Parce qu'il faut qu'il y ait un temps quoi, il pas où tout le monde dira paix et je l'étais na, sur la terre. Ukingo il faut que Thessaloniciens chapitre 5 verset 3 s'accomplisse. Comme c'est lui qui est le gérant de la politique mondiale. C'est lui qui domine tous les chefs religieux. Il domine les chefs militaires. Il domine les chefs politiques. Dans sa ruse, il sait comment négocier avec eux. Vous voyez, et cette écriture de 1 Thessaloniciens chapitre 5 dans son verset 3, quand les hommes diront paix sur terre, s'accomplira effectivement après le départ de l'épouse. À ce moment-là, il y aura paix en Israël, il y aura paix dans les Palestiniens, il y aura paix dans le monde sous l'Égypte du pape de Rome. Chini ya ongozi ya papa wa Roma. C'est vrai frère. Ya kweri nduku. C'est pourquoi. Njo kwa mana. L'église catholique. Kanisa katoliki. A comme slogan. Eko na musemeo ya kila siku. Amenons la paix. Tulete salama. Sans armes. Bila sila. Bila vita. Et comment il parvint? Nanamu nakani ataiweza. Ce n'est pas de négociations hypocrites. Ni kupitia maongezi masigilizano ya unafiki. Il est tellement rigé. Il peut négocier avec quelqu'un. Anawezi kusigilizana na mtu. Avec qui il n'est pas d'accord. Mwenye ule ananaye katika mapatano. L'antichrist. Mupinga Kristo. Le séducteur. Mutongozi. Dont la Bible dit. Ule mwenye Biblia naita. Ne peut jamais venir. Awezi kama kuja. De l'islam. Awezi kama kutokea ku islamu. Des juifs. Wawayuda apana. Des athées. Wabatu basipo kumuami kumujua mungu. Ou des bouddhistes. Wala ba bouddhistes. Jamais. Kamwe. Le véritable antichrist. Uyu mupinga Kristo wa kweli. Que le monde attend viendra certainement de l'église catholique, de la force chrétienté. Et l'église doit être avertie de cela. Oui, bien aimé frère. Quand l'église catholique dit, wakati kanisa katoliki ikisema, partout où il y a des églises, dans chaque communauté religieuse, il y a Dieu. Même chez les athées, ils ont aussi Dieu. Mais chacun l'adore de ses manières. Dans toutes les communautés, il y a la vérité. C'est un mensonge du diable. Dieu n'est pas partout. Mungu anafazi yote. Dieu ne peut se retrouver que là où se trouve sa parole. Mungu anapasha kupatikana ni paka pale panakutanisha neno lake. Dieu n'est pas dans son église, Dieu est dans sa parole. Mungu ana tamu kanisa, Mungu yuko ndani ya neno lake. C'est vrai frère. Bia kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Bia kweli dada. Les gens trompent les autres. L'antéchrist. Non, non viendra de l'islam. Via Bongo. Et l'antéchrist, c'est un politicien. Via Bongo. C'est faux. Oh, l'antéchrist viendra des bouddhistes. Via Bongo. L'antéchrist viendra de Atatoke ou bouddhiste. Via Bongo. Le véritable antéchrist. Mupinga Christo wa kweli. C'est lui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on adore. Viendra de l'église catholique de Rome. Kanisa ya katolike ya Roma. Njokula Atatokea. Et les gens comprendront cela. Na batu bataelewa ile. Avec un retard. Na retard munene nyuma kabisa. Et ils auront déjà scellé. Watakuwa wameshatiwa muhuri. Leur âme avec l'enfer. Manafsi yao wanaitiwa muhuri na deza. Aujourd'hui c'est elle qui domine. Leo hii ni yeye ndio anaongoza. Aujourd'hui c'est elle qui dirige. Leo hii ni yeye ndio anaongoza. Dites-moi un seul pays. Munitaie kuincha tamoi. Dans lequel Mule, l'église catholique, l'église catholique n'a pas un mot. Ana mona kia kusema. Même les pays Atama qui sont dirigés par les présidents protestants, yenye kongoza na wa raisi ba ki protestanti, ils s'agenuient devant le pape de Rome. Bele ya papa wa ils s'agenuient devant les archevêques de catholiques. Bele ya waskofu katoliki wanapiga magoti. Devant les évêques. Bele ya waskofu katoliki. Ba katoliki. Regardez-nous dans notre pays. Tazamia tamu inchi yetu. Comment la politique est une chose compliquée? Écoutez leur langage. Nous voulons des négociations sur l'église de l'église catholique. Chini ya ongozi ya kanisa katoliki. Et de la communauté internationale. Na ya ulimwengu mzima. C'est quoi ça? C'est Satan. Ni shetani. Ouais, bien mes frères. Unaona ndugu mpendi. Où avez-vous dans la Bible? Ni wapi kule muliona mbiblia? Des chrétiens? Ba Kristo. Manifester sur la route manatembea pa, pour une cause de la constitution. Juu ya sababu ya sheria ya inchi. Avez-vous déjà vu Esha dans la Bible kapo, mon Biblia. À Jérusalem, Jérusalem les Pierre, Petro, les Jean, ba Yohane, les Marthe, ba Marco, les Barthélemy, ba Barthélemy avec des pancartes sur la route les rues de Jérusalem balabala ya en train de réclamer le respect de la constitution. Bapate kuheshimia sheria ya inchi. C'est Satan. Ule ni shetani. Et on dit, on a tué les chrétiens. Non, ce n'était pas des chrétiens. Wa Christo, bale bale on a tué les politiciens catholiques. Bariwaka ni bafanya siyasa ba katoliki. Les chrétiens ne sont pas dans les groupes politiques. Ba Christo avec dans les partis politiques. Dans Apana. Les groupes culturels. Makundi ya ma kabila. C'est pourquoi veillons. Je crois maintenant que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous allons continuer demain. Tutaendelea kesho. Levons-nous pour la prière. Tusimame juu ya maombi. On doit veiller, frère. Tunapasha kesha banduku. Le temps est avancé. Wakati nasonga sana nenda. Satan lui fait son travail. Satan yanafanya kazi yake. Les aveugles dans leur orgueil. Vipofu. Sont davantage aveuglés. Wakiburi yao wanaendelea kwa vipofu. Mais les fous aussi. Lakini bibi harusi naye. Est éclairé. Anangaziwa. Par la parole. Na neno. Par la révélation de la parole. Na ufunuo wa neno. Et par le Saint-Esprit. Na kupitia Roho Mtakatifu. Si vous voulez vous mêler à la politique. Kama unapenda kujichanga musiasa. C'est ton affaire. Ni mambo yako. Si vous voulez aller à l'église mère. Kama unapenda kwenda ku kanisa mama. C'est ton affaire. Ni mambo yako. Frère Frank dit ceci. Ndugu Frank anasema hivi. Pour un homme qui a connu la vérité. Kwa mtu alijua ukweli. Et qui l'a abandonné ensuite. Na nakisha na iacha. Il n'y a plus de grâce pour lui. Hakuna tena neema kwake. C'est même ce que Hébreu dit. Na ndio kile tena wa Hebrewia wanasema. Prions. Tuombe.